commence par sa jouvence. 1, 2, 3, elle balance pour nous mettre tous en transe. La faucheuse aux yeux noirs s'est parée dans l'espoir de séduire en ensemble et de vivre en instant. Alors nous dansons, rions, avançons tous ensemble sur le fil de la joie en filant bout de sang. Car des failles y en a plein, des joyeuses ou des tristes, que l'on soit jeune et fort ou malade ou artiste. La vie est une blague dont il faut savoir rire. Un souffle, une flamme, un droit de délire qu'elle pose sur nos peaux en attendant notre heure pour venir magnifier, nous arracher le cœur. Un clin d'œil, un baiser de la belle ténébreuse, une valse endiablée, une foule généreuse nous serrer dans ses bras. Et son ultime but qui ne succomberait pas à l'appel de cette muse. Oh, pas moi, je vous le dis. Les gens dansent et j'en ris. J'ai le sourire aux lèvres de me trouver si faible devant cette séductrice qui fait que je profite une cause à mes exploits. Pour elle, je suis un roi. Oh, pas moi, je vous le dis. Et j'apprécie la farce. J'ai le sourire aux lèvres de me trouver si frêle devant cette séductrice qui cautionne tous mes vices, applaudit mes excès et me jette à ses pieds. Elle s'en va, la vache se termine, et c'est là sous ses pas qu'on deviendra vermine. La faucheuse aux yeux noirs ne s'en va jamais seule, on ira tous danser.